je vous sens libre, je veux suivre vos pas. Emmenez-moi avec vous, emmenez-moi. C'est mon chemin que vous prenez par là. Le petit village s'éteignait. Prendre la route qu'on t'emmène, fatigué sans doute, quand cette fille est arrivée et nous a demandé. Emmenez-moi avec vous, emmenez-moi, je vous sens libre, je veux suivre. Son coup, on lui a dit rentre chez tes parents, elle a dit je m'en fous. Emmenez-moi avec vous, emmenez-moi, je vous sens libre, je veux suivre vos pas. Emmenez-moi avec vous, emmenez-moi. Je me suis senti ce soir.